بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. On continue donc notre cours sur les règles de la zakat en abrégé. Ce sont les règles de la zakat en abrégé parce que on va se concentrer donc sur les règles de la zakat qui peuvent concerner un maximum de personnes en délaissant donc les règles et les jugements concernant la zakat sur les récoltes agricoles par exemple ou la zakat sur le bétail parce que ça concerne une partie minime de parmi les frères qui sont visés par ce cours. Donc c'est surtout dans des pays comme le nôtre en Afrique où vous avez des régions où il y a beaucoup de gens qui ont du bétail et tout. Donc c'est pour ce genre de personnes qu'il faudrait donc rentrer dans. Il y a beaucoup de gens qui font de l'agriculture et de l'élevage, donc c'est pour ce genre de personnes qu'il faudrait donc détailler les jugements par rapport à cela. Ce qui est très important aussi, mais comme les frères, Inch'Allah, qui sont visés par ce cours, à notre connaissance, la majorité ne sont pas concernés par l'élevage ou l'agriculture, Donc, on va se contenter, Inch'Allah, pour faire court des règles concernant la zakat sur les biens, l'or et l'argent et les commerces et autres biens commerciaux. Donc, on a vu lors du cours précédent que la zakat est un des piliers de l'islam. Et celui qui s'en acquitte, donc, c'est un des moyens pour lui de compléter sa foi. Et s'acquitter de la zakat indique la véracité et la sincérité de l'islam de la personne et sa soumission. Ceci parce que l'argent et les biens sont aimés des gens, très aimés. Et donc, se séparer d'une partie de ses biens pour Allah est bien donc une preuve d'obéissance et de soumission. On a vu aussi que la zakat permet de purifier les comportements et de s'éloigner des comportements dégradants et immoraux. Elle permet la cohésion sociale. La zakat permet la cohésion sociale et elle permet que cette cohésion sociale soit vraiment une réalité et non pas juste des mots. Car à travers la zakat, le riche montre donc sa solidarité et son soutien aux pauvres et à tous ceux qui sont nécessiteux et qui en sont les bénéficiaires. Donc la zakat permet à l'adorateur aussi de se purifier des péchés et d'être sauvé du châtiment. Elle est donc une purification de son argent et de ses biens. La zakat est aussi un moyen donc d'avoir la baraka, la bénédiction d'Allah Azawajal sur ses biens. Et cet acte donc de prélever une partie de ses biens pour la reverser aux pauvres, donc c'est un acte qui est une cause de multiplication des biens. Elle fructifie les biens, comme on l'a vu. Donc là, on l'a démontré donc par différents arguments du Kitab et de la Sunna que donc la zakat elle fructifie les biens et elle les fait augmenter. Et en aucun cas, la zakat n'est cause de diminution des biens. comme l'a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, ma naqasat sadaqatun min malin, ma naqasat sadaqatun min malin. Il n'y a pas de sadaqa qui diminue des biens. Il n'y a pas de sadaqa qui diminue des biens. Donc le hadith est dans Sahih Muslim d'après Abu Huraira radiallahu anhu. Maintenant, quel est le jugement? Quel est le jugement concernant celui qui ne paye pas la zakat? Quel est le jugement concernant celui qui ne paye pas la zakat? Est-ce qu'il est mécréant? Est-ce qu'il mécroit? Il sort de l'islam ou pas? Donc il faut savoir que sur cette question, il y a deux cas. Il y a deux cas. Le premier, donc, est le cas où la personne ne paye pas la zakat en rejetant ou en mécroyant en son caractère obligatoire. Donc si la personne ne paye pas la zakat en rejetant ou en rejetant son caractère obligatoire ou en mécroyant sur le fait que la zakat, payer la zakat, c'est obligatoire, dans ce cas donc il n'y a aucun doute sur sa mécréance. Il n'y a aucun doute sur sa mécréance. Et l'unanimité, l'ijma des gens de science a été rapportée donc sur la mécréance de celui-ci par l'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah. Donc il a rapporté l'unanimité des gens de science sur le fait que celui qui ne paye pas la zakat en disant qu'elle n'est pas obligatoire et en rejetant donc son caractère obligatoire, en mécroyant en son caractère obligatoire, donc celui-ci donc est mécréant et sort de l'islam par cet acte. Et le deuxième cas donc, et dans ce cas donc, s'il est dans ce cas donc de mécroire au caractère obligatoire de la zakat, dans ce cas il est combattu comme étant apostat et comme quelqu'un ayant renié l'islam. Et le gouverneur musulman applique la sanction sur lui, sauf s'il se repent. Et dans ce cas, la zakat est quand même prélevée de force. La zakat est quand même prélevée sur cette personne de force par le gouverneur musulman. Et ceci parce que la zakat est un droit pour les pauvres qui l'attendent. Donc le fait qu'il refuse de la payer et qu'il devient mécréant par cela, on la prélève quand même si elle n'est pas acceptée de lui. Ça veut dire que comme il n'est plus musulman, donc la validité de son acte, la validité de sa zakat n'est plus. Donc cet acte n'est plus valide pour lui puisqu'il n'est plus musulman, puisque c'est une des conditions d'acceptation de l'acte qu'il soit musulman. Mais malgré cela, on prélève quand même, le gouverneur musulman prélève quand même la zakat de force sur ses biens pour la reverser aux pauvres, parce que c'est leur droit et ils attendent ce droit-là. C'est un droit qui leur revient aux bénéficiaires de la zakat, c'est un droit qui leur revient. Donc le gouverneur prélève quand même cette zakat pour leur reverser aux bénéficiaires. Et donc, dans les jugements qu'on va voir en détail, bi'idnillah azawajal, on voit donc que, on va beaucoup voir que dans les règles de jurisprudence islamique, le gouverneur musulman a autorité de prélever la zakat. Et ce que beaucoup ne font pas à notre époque. Alors que le fait qu'il s'active et qu'il mette des services pour prélever la zakat, il y aurait beaucoup d'argent qui serait dans leur caisse, qui leur permettrait donc de se passer de beaucoup d'autres impôts injustes qu'ils imposent aux gens. Donc il y a beaucoup de il y a beaucoup de il y a beaucoup de comment dire ça, il y a beaucoup de ressources et de fonds que les gouverneurs musulmans pourraient donc collecter à travers cette zakat-là ils organisaient cela comme ça, cela doit être fait, et on le verra, inshallah, en détail dans les cours suivants. Et donc le deuxième cas, c'est la personne donc qui ne paye pas la zakat par avarice, tout en reconnaissant son obligation. Sur ce cas, les savants ont divergé, mais l'avis le plus juste est celui d'El Jumhur. El Jumhur, donc, c'est la majorité qui sont d'avis que ils ne m'y croient pas. Donc, c'est l'avis le plus authentique et le plus juste sur la question. Comme preuve pour cet avis, on peut citer le Attar de l'Abdallah ibn Shaqiq, qu'on a déjà cité, on a vu dans les cours sur le Ramadan. Le Attar d'Abdallah ibn Shaqiq, le Tabi'i, qui est donc rapporté par l'imam Tirmidhi, dans lequel il rapporte l'unanimité des Sahaba sur le fait que il n'y a que le délaissement de la prière qui fait sortir la personne de l'islam. Et aucune autre œuvre délaissée ne fait donc sortir la personne de l'islam, si ce n'est la salah. Et comme autre preuve attestant de la justesse de cet avis, il y a le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu dans Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idha kana yawm al-qiyamah صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. Donc le hadith est dans Sahih Muslim rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu. Et dans ce hadith, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il n'est pas de détenteur d'or ou d'argent qui ne s'acquitte pas de son droit. Qui ne s'acquitte pas de son droit, c'est-à-dire le droit de la zakat, donc. Sans qu'au jour de la résurrection, il n'est pas de détenteur d'or ou d'argent qui ne s'acquitte pas de son droit ou de leur droit, sans qu'au jour de la résurrection, on en fasse des plaques de feu que l'on chauffera dans le feu de l'enfer, des plaques de feu que l'on chauffera dans le feu de l'enfer, et son front et son dos en seront cautérisés. Et chaque fois que les plaques refroidissent, on les replongera dans le feu pour les réappliquer sur lui. Le châtiment durera une journée équivalente à 50 000 ans, jusqu'à ce que le jugement entre les esclaves soit rendu. Il verra alors sa place soit au paradis, soit en enfer. Il verra alors sa place soit au paradis, soit en enfer. Et ce qui fait que ce hadith est un argument pour ceux qui sont de l'avis que celui qui ne paye pas la zakat par avarice n'est pas mécréant, c'est sa parole: Fayara sabilahu, imma ila al-jannati wa imma ila al-nar. Il verra alors sa place soit au paradis, soit en enfer. Donc, l'argumentaire, c'est que s'il était mécréant, il n'y aurait aucune possibilité, aucune chance qu'il puisse entrer au paradis. Donc, si dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il verra alors sa place soit au paradis, soit en enfer, ça veut dire qu'il y a une possibilité, malgré qu'il n'ait pas payé la zakat, qu'il aille au paradis. Ça veut donc dire qu'il n'est pas mécréant parce que s'il était mécréant, il n'y aurait aucune possibilité qu'il puisse aller au paradis. Donc le hadith démontre que cette possibilité d'entrer au paradis existe pour celui qui ne paye pas la zakat par avarice. Donc voilà l'argument utilisé par ceux qui sont de cet avis, et donc c'est l'avis le plus juste que la personne qui ne paye pas la zakat par avarice. C'est un grave péché pour lequel il peut être châtié, mais ce n'est pas un péché qui le fait sortir de l'islam. Il y a une possibilité qu'Allah Azzawajal lui pardonne et qu'il entre quand même au paradis, bi-idhnillah. Maintenant, on va voir ceux qui sont concernés par la zakat. Ceux qui sont concernés par le paiement de la zakat. Quel est le type d'individu pour qui il est obligatoire de payer la zakat? Donc, il y a cinq conditions à remplir, cinq conditions à remplir pour faire partie de ceux qui payent la zakat. La première de ces conditions, c'est l'islam, dans le sens où il faut être musulman. Donc la première des conditions, c'est l'islam, dans le sens où il faut être musulman pour que cet acte d'adoration soit valide. Et donc la zakat du mécréant n'est pas acceptée. La zakat du mécréant n'est pas acceptée. Quelqu'un, par exemple, peut être un munafiq, un hypocrite, qui d'apparence est musulman, alors qu'en réalité, il cache sa mécréance. Alors qu'en réalité, il est au milieu des musulmans, il fait apparaître l'islam, alors qu'en réalité, il cache sa mécréance. Donc il peut dire la shahada, prier, jeûner, s'acquitter de la zakat, faire le hajj, etc. Il peut faire donc toutes ces adorations en apparence, alors que il rejette l'islam dans son intérieur. Il rejette l'islam dans son intérieur, dans son cœur. Donc, ce n'est pas accepté de lui. Tous ces actes-là ne sont pas acceptés de lui tant qu'il n'est pas sincère dans son islam. Tant qu'il n'est pas sincère dans son islam. Donc, c'est le même cas pour la zakat. Si la personne n'est pas sincère dans son islam et qu'il fait apparaître l'islam alors qu'il cache sa mécréance, dans ce cas-là, sa zakat n'est pas acceptée. Et la preuve du fait que la zakat du kafir ou de l'hypocrite n'est pas acceptée, donc, est la parole d'Allah Azzawajal. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. Donc, c'est le verset de Sourate Tawba en traduction approximative du sens. Ce qui empêche leurs dépenses d'être acceptées n'est autre que le fait qu'ils ont mécru en Allah et son messager, qu'ils ne se rendent à la prière qu'avec paresse et qu'ils ne dépensent dans les bonnes œuvres qu'à contre-cœur. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Donc c'est le verset en entier. Donc dans ce verset, donc en traduction approximative, comme je l'ai dit, c'est le verset 54 de Sourate At-Tawba. Ce qui empêche leurs dépenses d'être acceptées n'est autre que le fait qu'ils ont mécru en Allah et son messager. et qu'il ne se rende qu'à la prière qu'avec paresse, et qu'il ne dépense, c'est-à-dire dans les bonnes œuvres, qu'à contre-cœur. Donc, ce verset donc est le dalil que la zakat ou les dépenses du qu'elles soient obligatoires ou autres du mécréant donc ne sont pas acceptées. Et ceci ne veut pas dire que le mécréant ne rendra pas compte par rapport à la zakat. Le fait qu'on dise que le mécréant ne paye pas la zakat parce que le mécréant donc sa zakat n'est pas valide. Ceci ne veut pas dire que le mécréant ne rendra pas compte par rapport à la zakat. Au contraire, il sera jugé et puni pour tous les manquements concernant la charia. Donc, ceci veut juste dire qu'il n'est pas concerné en ce qui concerne la validité de l'acte et la récompense. Il n'est pas concerné en ce qui concerne la validité de l'acte et la récompense. Mais sinon, il sera jugé pour cela et les jugements et les recommandations de la charia, toute la législation islamique s'impose à lui et s'adresse à l'ensemble donc de l'humanité. Et donc il sera jugé pour les manquements relatifs à cela. Donc il sera jugé pour les manquements relatifs à cela, sauf qu'il n'est pas concerné par la validité de l'acte et la récompense par rapport à cet acte. Deuxième condition, donc, deuxième condition, pour faire partie de ceux qui payent la zakat, il y a el-hurriya. El-hurriya qui est donc la liberté, c'est-à-dire ne pas être un esclave. Ne pas être un esclave car l'esclave ne paye pas la zakat. Ceci car lui et ses biens appartiennent à son maître. C'est donc, il revient donc à son maître. C'est donc à son maître que revient la responsabilité de sortir la zakat sur les biens de l'esclave. Donc, ça c'est la deuxième condition. Être un homme libre, c'est-à-dire ne pas être un esclave. Donc, première condition, l'islam. Deuxième condition, el-hurriya, la liberté. Troisième condition, donc, mulkun nisab, qui est la troisième condition, c'est-à-dire, ceci signifie avoir atteint, être en possession de la quantité de biens qui nécessite le paiement de la zakat. Et cette quantité a été bien définie par la législation islamique. Et elle diverge donc, elle a été bien définie par la législation islamique et elle diverge donc en fonction de la nature du bien sur lequel la zakat doit être prélevée. Donc chaque catégorie de bien a son nisab. Chaque catégorie de bien a son nisab. Par exemple, l'or a son nisab. L'argent a son nissab, les brebis, les bœufs, les chameaux ont leur nissab, les récoltes agricoles ont leur nissab. Et donc, chaque catégorie de biens a son nissab. Et la preuve, le dalil donc de cette condition est le hadith d'Abu Saïd Al-Khudri radiallahu anhu, dans les Sahihain, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Laysa fi ma duna khamsin, Laysa fi ma duna khamsi awakin sadaqa, wa laysa fi ma duna khamsi dawdin sadaqa, wa laysa fi ma duna khamsi awsuqin sadaqa. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc qu'il n'y a pas de zakat en dessous de 5 awaq et il n'y a pas de zakat en dessous de 5 daoud et il n'y a pas de zakat en dessous de 5 awsur. Donc Ici, el-awar, dont le prophète parle dans ce hadith, c'est le pluriel de awqiya. C'est le pluriel de, donc awar, c'est le pluriel de awqiya. Et ça équivaut à 40 dirhams. Ça équivaut à 40 dirhams. Et c'est une unité de mesure. C'est une unité de mesure pour calculer donc la quantité d'argent qui nécessite de sortir la zakat. Et donc 5 awar, comme c'est dit dans le hadith, multiplié par 40 dirhams. Donc on a dit el-awqiyya, ça équivaut à 40 dirhams. Donc dans le hadith, il est dit 5 awar. Donc on multiplie donc les 40 dirhams par 5. Donc ça fait donc 200 dirhams. Ça fait donc 200 dirhams et c'est ça qui équivaut donc à aux 595 grammes d'argent pur qui est donc le nissab de l'argent. Donc le nissab de l'argent, donc c'est donc 595 grammes. C'est ce qui correspond donc aux 5 awar qui sont cités dans le hadith. Et comme nous allons voir les détails dans les cours à venir sur la zakat concernant l'argent. Et Ad-Dawd, qui est cité dans le hadith, donc il dit donc il n'y a pas en dessous de 5 Daoud. Il n'y a pas de zakat en dessous de 5 Daoud. Ad-Dawd, c'est une unité de mesure qui s'utilise pour calculer la quantité des chameaux. La quantité des chameaux. Et ce terme désigne. Daoud, ce terme désigne un nombre ou un groupe de chameaux allant de 3 jusqu'à 10. Ça désigne donc un nombre ou un groupe de chameaux allant de 3 jusqu'à 10. Et donc le hadith indique qu'il faut au moins 5 groupes allant de 3 jusqu'à 10 chameaux pour pouvoir payer. Allant de 3, minimum 3 chameaux et plus, jusqu'à 10 donc, pour pouvoir payer la zakat sur les chameaux. Donc si ce n'est que 4 groupes, si ce n'est que 4 groupes, si la personne n'a en possession que 4 groupes de chameaux, donc il n'y a pas de zakat donc à payer sur cela. Ousouk, donc qui est cité dans le hadith, donc il a dit il n'y a pas donc en dessous de 5 Ousouk, il n'y a pas de zakat en dessous de 5 Ousouk. Donc, Ousouk, c'est le pluriel de Wasq, c'est le pluriel de El Wasq. C'est une unité de mesure pour calculer la quantité des graines et des fruits. C'est donc une unité de mesure pour calculer la quantité des graines et des fruits. Et un wasq, c'est équivalent à 60 sa. Je pense qu'on avait déjà vu ça. Donc, je pense qu'on avait déjà vu ça lorsque je pense qu'on a parlé des zakat. Je ne sais pas si on avait parlé de Zakat el-Fitr. Je ne me rappelle pas bien si on avait parlé de Zakat el-Fitr lors des cours sur Ramadan. El-Muhim, donc, un wasq, donc, c'est 60 sa. Et un sa, c'est 4 amdad. Et amdad, c'est le pluriel de mout. Donc, et le mout, c'est donc. Ce que contiennent les deux mains rassemblées d'une personne de corpulence moyenne. Donc les deux mains rassemblées d'une personne de corpulence moyenne, c'est ça qu'on appelle el moud. Et donc il faut 4 amdad. Amdad, c'est le pluriel donc de moud. Il faut donc 4 amdad pour faire un sa. Et pour faire un sa. Et donc il faut 60 sa pour faire un wasq. Et donc la zakat se paye sur à partir de 5 awsuq, qui est le pluriel de wasq. La zakat se paye donc à partir de 5 awsuq. Donc un sa qui est équivalent à 2 kilos, un sa c'est équivalent à 2 kilos environ à notre époque. Et donc un wasq étant de 60 sa, ça fait donc que un wasq c'est 120 kilos. Donc, puisque un sa c'est 2 kilos, donc 60 sa, ça fait 120 kilos. 60 sa qui est un wasq, ça fait donc 120 kilos. Et donc, le nisab étant de 5 awsuq, un nisab étant de 5 awsuq, ça équivaut donc à environ 600 kilos. Ça équivaut donc à environ 600 kilos de graines ou de graines ou donc de fruits que la personne doit avoir atteint avant de sortir la zakat. Et dans ce hadith, la zakat est appelée sadaqa. C'est un des noms qui est utilisé pour désigner la zakat dans le kitab et la sunna, comme on l'a vu donc à travers ce hadith et d'autres. Et comme avec la parole d'Allah Azawajal dans Surat At-Tawbah, Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Donc, prends de leur bien une sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis, en traduction approximative du sens. Il s'agit donc ici, le terme sadaqa ici donc désigne donc la sadaqa obligatoire. La sadaqa obligatoire qui est donc la zakat et pas celle qui est au bon vouloir de l'adorateur. Donc, la sadaqa, c'est un des noms de la zakat, comme aussi un nafaqa. Un nafaqa, la zakat est aussi appelée un nafaqa. Ceci, d'après la parole d'Allah Azawajal, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. En traduction approximative du sens, et ceux qui amassent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah annoncent-leur un châtiment douloureux. Donc, il s'agit bien ici, bien sûr, de la dépense qui est obligatoire. La dépense dans le sentier d'Allah qui est obligatoire. Donc, quand Allah Azza wa Jalla dit, et ne les dépense pas dans le sentier d'Allah, la yunfiqunaha fi sabilillah, il s'agit donc de la nafaqa qui est obligatoire. La nafaqa qui est obligatoire, qui est donc la zakat. La nafaqa dans le sentier d'Allah qui est obligatoire, c'est donc la zakat. Donc, ce verset prouve que donc la zakat est aussi appelée un nafaqa. Donc, parce que les autres dépenses dans le sentier d'Allah ne sont bien sûr pas obligatoires et il n'y a pas de menace de châtiment pour celui qui ne fait pas ses dépenses. Donc, la seule menace de châtiment, c'est sur la dépense qui est obligatoire, qui est la zakat. Et la zakat est aussi appelée haqq. La zakat est aussi appelée haqq, droit, comme dans la parole d'Allah Azawajal dans Sourate Al-Ma'arij. Walladina fi amwalihim haqqum ma'lum. Ceux qui ont, en traduction approximative du sens, ceux qui ont dans leurs biens une part bien déterminée, réservée. Une part bien déterminée, donc cette part bien déterminée qui est réservée aux pauvres. Donc, la zakat est donc aussi appelée haqq, droit. C'est un droit des pauvres. Nous sommes donc toujours dans la troisième condition. Dans la troisième condition pour que la zakat s'impose à une personne, avoir atteint donc ce qu'on appelle un nisab. Ce qu'on appelle un nisab, qui est donc la quantité légiférée requise par rapport au bien. la quantité légiférée requise par rapport au bien et est exclu de cette condition donc de cette condition donc le trésor qu'on trouve enfoui sous terre ou dans le désert ou dans la mer. Pour ces trésors donc pour ces trésors-là, il y a un jugement qui est à part. Donc on peut trouver par exemple de l'or ou de l'argent ou des objets de valeur ou des armes anciennes ayant appartenu à des non-musulmans de l'époque de la Jahiliya qui sont enfouis qui sont sous la mer ou bien enfouis sous terre. Donc la fatwa des savants. La fatwa des savants, donc par rapport à cela, comme l'imam Ibn Baz, rahimahullah, et d'autres, donc, leur fatwa est qu'on doit donner les 1 cinquième. Et il n'est pas nécessaire, donc, il n'est pas nécessaire que cela, donc, ce trésor trouvé atteigne un nisab. Il n'est pas nécessaire que ce trésor trouvé atteignent un nisab. Sur cela, on donne donc un cinquième au gouverneur musulman si on se trouve dans un pays d'islam. Mais si on se trouve en pays mécréant, on fait donc sadaqa des un cinquième et les quatre cinquièmes deviennent notre propriété. Donc, il n'y a pas de. Ce n'est pas une condition pour ce genre de trésor qu'on atteigne un nisab pour pouvoir sortir donc. Sa zakat qui correspond donc à ces 1 cinquième qu'on donne soit au gouverneur musulman si on est en pays d'islam ou soit ou donc on fait au monde donc sadaqa des 1 cinquième aux nécessiteux et les 4 cinquièmes nous appartiennent. Et ceci est exclusivement si c'est un trésor appartenant au kuffar ou de l'époque pré-islamique qu'on peut reconnaître à travers certains signes. Qu'on peut reconnaître à travers certains signes. Donc, quelque chose qui est caché, qui est enfoui sous terre ou dans le désert ou sous la mer, qui correspond à ces caractéristiques-là. Donc, c'est le jugement qui s'applique par rapport à cela. Mais si cela date de l'époque islamique et que ça appartient aux musulmans, d'après les signes qu'on y trouve, ça a un autre jugement. Ça a un autre jugement. Donc, et celui aussi, le trésor qu'on trouve aussi de sur la terre appartenant à un musulman, si quelqu'un a une parcelle de terrain et qu'il y trouve un trésor enfoui, ça a un autre jugement, ça a un autre jugement. Ou bien, il y a aussi les objets de valeur qu'on peut trouver sur la route, par exemple. Si on trouve un objet de valeur sur la route, c'est un autre jugement. Donc, l'objet de valeur qu'on trouve sur la route, on doit faire connaître cet objet pour que son propriétaire, on doit faire connaître cet objet pendant une durée d'un an pour que son propriétaire vienne, se manifeste et vienne le récupérer. Donc, quand on trouve un objet de valeur sur la route, on doit le faire connaître des gens, faire des annonces, le faire connaître des gens pour que son propriétaire se manifeste et vienne le récupérer. Donc, c'est pendant une durée d'un an du calendrier islamique. Et donc, ce n'est qu'après l'écoulement de cette durée et ayant fait des annonces, ayant tout fait pour retrouver son propriétaire, qu'il est donc permis, donc, d'après les fatawas de nos savants, de s'en accaparer. Car, comme on l'a déjà dit, la législation islamique a pour objectif de préserver les personnes, de préserver les personnes, les biens et les honneurs. De préserver les personnes, les biens et les honneurs. Donc, il n'est pas permis, donc quand on trouve un objet de valeur, de le prendre directement et d'en jouir. Ça, c'est considéré comme du vol. C'est considéré donc comme du vol. Et il est donc obligatoire à la personne de faire connaître cet objet de valeur-là. Par contre, si c'est quelque chose qui n'est pas de valeur, qu'on trouve, par exemple, on trouve une faible somme d'argent, 5 euros, Voilà, on trouve une faible somme d'argent. Voilà, il n'est pas donc obligatoire. Les savants ont permis donc de les prendre et de s'en servir pour celui qui est dans le besoin. Et il n'est pas donc obligatoire de faire une annonce ou de faire connaître d'objet si ce n'est un objet, si c'est un objet qui n'est pas de valeur, si c'est un objet qui n'a aucune valeur. Donc voilà le jugement par rapport à cela. Maintenant, quatrième condition, Moudi al-Hawl, ou Houloul al-Hawl, Moudi al-Hawl, ou Houloul al-Hawl, ce qui signifie qu'il faut qu'il s'écoule une année complète du calendrier islamique sans que le bien ne diminue, sans que le bien en notre possession ne diminue, c'est-à-dire sans que le nisab, la quantité légiférée requise, ne diminue. Donc, si au courant de cette année, la quantité de biens qu'on a et qui atteint le nisab diminue et descend en dessous du nisab, ça descend en dessous de la quantité requise, on reprend donc le décompte et on se remet donc à compter une année à partir de la date où, à partir de la date à laquelle la quantité des biens remontent au niveau du nisab. Donc ça, c'est un point important. Donc, Hulul al-Hawl, c'est une condition, c'est-à-dire qu'il faut que une année du calendrier islamique soit écoulée pour que la zakat soit sortie. Une année du calendrier islamique soit écoulée sans que le bien n'ait diminué du nisab. Donc, quand tu atteins le nisab, tu calcules une durée d'un an du calendrier islamique pour pouvoir payer la zakat. Mais si durant cette année, si durant cette année, la quantité des biens que tu as qui a atteint le nisab diminue en dessous du nisab, tu reprends le décompte. Tu reprends le décompte. Donc, par exemple, si le nisab, prenons un exemple, si le nisab c'est 5 000 euros, si le nisab c'est 5 000 euros, c'est un exemple, si le nisab ça atteint 5 000 euros et que tu as les 5 000 euros en ta possession pendant une année du calendrier islamique, par exemple du premier du mois de Ramadan, de l'année jusqu'au premier du mois de Ramadan de l'année suivante, tu payes donc la zakat, tu sors donc le pourcentage à payer sur les 5 000 euros et tu payes. Mais si au courant de l'année que tu es en train de compter, par exemple 4 mois ou 5 mois après, tu as utilisé cet argent-là et c'est descendu en dessous des 5 000 euros, c'est redescendu en dessous des 5 000 euros, c'est passé peut-être à 4 500 euros, tu as utilisé 500 euros, eh bien, dans ce cas-là, tu arrêtes le décompte. Et c'est lorsque tu auras de nouveau 5 000 euros que tu vas donc reprendre donc le décompte. Lorsque tu auras, la somme sera remontée donc à 5 000 euros, à ce moment-là, donc tu reprends le décompte. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. À ce moment-là, donc tu reprends le décompte des 1 an du calendrier islamique. Et lorsque tu auras atteint les 1 an, tu sortiras donc la zakat. Mais si tu es en dessous du nisab, à tout moment où tu es en dessous du nisab, tu arrêtes donc le décompte. Quand tu reviens au niveau du nisab, tu recommences le décompte. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire, auquel il faut faire très attention. Et donc, cette condition, donc, Hulul al-Hawl, le fait de compter une année entière du calendrier islamique, Cette condition est prouvée par le hadith de Aïcha radiallahu anha, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: La zakata fi malin hatta yahoula alayhi al-hawl. La zakata fi malin hatta yahoula alayhi al-hawl. Pas de zakat sur un bien jusqu'à ce que la durée de un an s'écoule. Pas de zakat sur un bien jusqu'à ce que la durée de un an s'écoule. Le hadith est rapporté par Ibn Majah et il est faible. C'est un hadith faible car il y a dans sa chaîne de transmission un rapporteur faible. Il y a dans sa chaîne de transmission un rapporteur faible. Mais on peut utiliser ce hadith comme preuve car il est renforcé par un autre hadith similaire rapporté par Ali radiallahu anhu et authentifié par l'imam al-Albani. Authentifié par l'imam al-Albani. Et ce hadith est aussi renforcé par des athars, des compagnons, et parmi eux les califes Abu Bakr et Othman. Les califes Abu Bakr et Othman, comme cela est rapporté dans Al-Muwatta de l'imam Malik. Et c'est aussi rapporté avec des chaînes de transmission authentiques dans Sunan al-Bayhaqi. Et il y a aussi donc des athars authentiques d'après Ali radiallahu anhu, d'après le calife Ali radiallahu anhu et d'autres compagnons. Et ces athars sont rapportés dans dans Musannif ibn Abi Shayba. Et donc ces athars, donc c'est les paroles des compagnons. Les athars, c'est les paroles des compagnons. Et donc ces athars, donc qui vont dans le sens de ce hadith là, donc renforce donc ce hadith, parce que ces athars donc sont d'après des chaînes de transmission authentiques. Donc ces athars plus la version du hadith rapportée d'après Ali ibn Abi Talib, dans le hadith d'Ali ibn Abi Talib, c'est rapporté par Abu Daoud et donc c'est authentifié par l'imam al-Albani. Et donc tout ceci donc fait que ça renforce ce hadith, malgré que sa chaîne de transmission soit faible, ça le renforce donc de manière globale. Et ce hadith peut donc être utilisé comme argument de ce fait là et l'imam al-Albani aussi, il faut savoir que l'imam al-Albani, qui est le plus grand savant du hadith à notre époque, il a beaucoup utilisé ce genre d'approche pour authentifier des hadiths. Ça veut dire que le fait que un hadith soit rapporté dans de multiples chaînes de transmission. Donc même si les chaînes de transmission ont des faiblesses, donc les différentes chaînes de transmission renforcent les unes les autres jusqu'à ce que donc le hadith atteigne le degré de Hassan, jusqu'à ce que le hadith atteigne le degré de Hassan. Donc l'imam al-Albani, il a beaucoup utilisé cette méthodologie pour authentifier des hadiths. Ça veut dire que lorsque les chaînes de transmission d'un hadith et les versions du hadith sont multiples, donc elle se renforce si les faiblesses ne sont pas bien sûr importantes. Lorsque les faiblesses ne sont pas importantes, parce qu'il y a différents degrés de faiblesse. Par exemple, lorsque un rapporteur est connu, et comme on l'a déjà vu, la science du hadith, c'est une science par laquelle Allah Azzawajal a préservé notre religion de beaucoup de choses et de beaucoup d'ajouts. Et donc par cette science, donc Allah Azza wa Jalla, il a préservé beaucoup l'islam des inventions et tout. Parce que par exemple, lorsque un rapporteur est connu pour être un menteur, ça c'est une faiblesse qui est très grave. Donc on ne peut pas prendre le hadith de cette personne. Mais par exemple, il y a des rapporteurs que par exemple leur faiblesse c'est que par exemple il n'a pas une bonne mémoire. C'est quelqu'un de confiance, mais il est connu pour beaucoup se tromper. Il n'a pas une bonne mémoire. Donc dans ce cas-là, son hadith peut quand même être utilisé si on trouve des gens de bonne mémoire qui rapportent la même version ou rapportent un hadith qui va dans le même sens. Donc c'est un peu ce genre de c'est un peu donc ce genre de hadith donc de faiblesses les faiblesses légères lorsque elles ont plusieurs chaînes de transmission elles sont rapportées par différents rapporteurs même si les faiblesses sont légères ça renforce donc la crédibilité ça renforce la crédibilité du hadith. Ça renforce la crédibilité du hadith. Ça, c'est des choses à voir en détail dans la science, dans cette science-là, donc qui est une science immense. Et donc, c'est pour ça que, à notre époque, les gens qui disent que non, c'est pas dans le Coran, et qui veulent ramener la chose à dire que non, ce qui est le plus important, c'est certes, le Coran passe avant le hadith, mais le hadith a la même valeur. Le hadith, ça fait partie aussi de la révélation. Ceci parce qu'Allah Azzawajal a dit, wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Il ne dit rien par passion, ce n'est qu'une révélation inspirée. Donc, les paroles du prophète, ça fait partie de la révélation. Et donc, c'est à mettre au même niveau, c'est à mettre au même niveau, même si la parole d'Allah est prime. Par exemple, si justement certains savants. Ils ont rejeté des hadiths parce que si le hadith il contredit le Coran, donc même si la chaîne de transmission apparente elle est authentique, donc on rejette le hadith parce qu'il contredit une parole claire du livre. Parce que on est arrivé à un niveau où les ennemis de l'islam ont tout fait pour attaquer l'islam, ne pouvant pas attaquer l'islam de l'extérieur, ils ont essayé donc de l'attaquer de l'intérieur en inventant des hadiths. Et les gens peuvent même venir inventer un hadith et citer et y intégrer des rapporteurs authentiques et mentir sur eux qu'ils ont rapporté telle chose. Donc, c'est pour ça que les savants du hadith ont fait beaucoup, un immense travail pour purifier les chaînes de transmission et pour faire en sorte que ne se propagent pas dans la communauté des paroles attribuées au prophète qui ne sont pas de lui. Donc, tout ceci donc pour montrer que ce hadith, donc, la zakata fi malin hatta yahoula alayhi al-hawl, il est donc permis de l'utiliser comme argument. Pas de zakat jusqu'à ce que, pas de zakat sur un bien jusqu'à ce que la durée d'un an se soit écoulée. Et il n'y a pas besoin que la durée d'un an s'écoule pour le trésor qui est trouvé donc et enterré, comme on a cité. Précédemment, le trésor enterré qui est sous la mer ou qui est dans le désert, appartenant à des non-musulmans, dont les signes montrent que c'est un trésor appartenant à des non-musulmans des royaumes avant l'islam et tout ça. Donc, il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin que il y ait la durée d'un an pour sortir donc le droit sur ce trésor-là. N'y a pas besoin qu'il y ait cette durée d'un an. Donc ça, c'est exclu de cette condition-là. C'est exclu donc de cette condition. Et parmi les choses qui ne nécessitent pas el-hawl, il y a le fait de il y a donc el-kharij min al-ard. El-kharij min al-ard. Donc, ce qui sort de la terre. Donc, ce qui sort de la terre, c'est aussi exclu du fait d'attendre un an. Donc, tout ce qui est graines, fruits issus de l'agriculture et qui sortent de terre. Il y a des cultures, par exemple, qui mettent 3 mois. Il y a des cultures qui mettent 3 mois avant d'être récoltées, comme le maïs, par exemple. C'est 3 mois, tous les 3 mois on récolte. Donc, il y a des cultures qui mettent 4 mois, d'autres 6 mois. Donc, la zakat de ces cultures-là, c'est le jour de la récolte. Et ceci d'après la parole d'Allah Azzawajal, wa atu haqqahu yawma hasadihi. Wa atu haqqahu yawma hasadihi. Et en traduction approximative du sens, et acquittez-vous de leurs droits le jour de la récolte. C'est le verset de Sourate Al-An'am. Donc, ça, ceci est la preuve donc que la zakat des récoltes agricoles, c'est le jour de la récolte. C'est le jour de la récolte. Il n'y a pas besoin d'attendre la durée d'un an. Il n'y a pas besoin d'attendre la durée d'un an. Il n'y a pas besoin d'attendre el haoul. Il n'y a pas besoin d'attendre houloul el haoul pour sortir leur zakat. Et il y a aussi tout ce qui est le fruit d'une nisab. Tout ce qui est le fruit d'une nisab, comme par exemple la zakat des brebis. Après que le hol soit passé, le nisab, c'est pour 40 brebis, tu payes une brebis. Pour 40 brebis, donc tu payes une brebis comme zakat. Après que le hol soit écoulé. Donc, si un propriétaire de bétail, un propriétaire de bétail, par exemple, a 70 brebis, c'est un exemple qu'on prend pour bien expliquer la chose. Si un propriétaire de bétail a 70 brebis et elles ont brouté pendant 8 mois et il leur reste donc 4 mois de l'année à brouter avant d'atteindre el haoul, avant d'atteindre la durée de 1 an requise pour sortir la zakat. Donc si durant ce temps il a eu dans son troupeau 10 naissances, donc son troupeau est maintenant de 80 brebis. Donc il avait 70 de brebis. Et durant la période de 1 an, la période de 1 an où les brebis broutent, il a eu 10 naissances. Donc, et les 70 brebis qu'il avait à la base ont atteint la durée requise. Donc, après 12 mois, ils ont atteint la durée requise pour qu'ils puissent sortir. Donc, elles ont atteint le haul pour qu'ils puissent sortir dans la zakat. Mais les 10 qui sont nés entre-temps, elles n'ont pas atteint le haul. Donc, le jugement dans ce cas, c'est qu'il doit sortir la zakat sur les 80. Et donc, il sort la zakat sur les 80 brebis qu'il a en possession. Et pas sur les 70, il sort la zakat sur tous les 80. Pas besoin d'attendre que les 10 étant nés au courant de l'année atteignent la durée d'un an, parce que la règle, et elle est importante à retenir, c'est que le fait que c'est que le fruit, en fait, le fruit d'une nisab, le fruit de ce qu'on a comme bien qui atteint le nisab, ou le surplus a le même jugement que les biens d'origine. Le surplus donc a le même jugement que les biens d'origine. Autre exemple, plus clair, le commerçant dont la valeur de la marchandise, par exemple, atteint le nisab et elle a fait 1 an du calendrier islamique sans bouger. Quand il sort la zakat, il sort la zakat sur ce qu'il a comme capital avec les bénéfices. Avec les bénéfices, même si ces bénéfices-là n'atteignent pas donc un nisab, même si ces bénéfices-là n'atteignent pas plutôt el haoul, même si ces bénéfices-là n'ont pas atteint la durée de 1 an. Donc, autre exemple aussi, par exemple, pour que ça soit bien plus clair, quelqu'un qui fait par exemple dans l'immobilier, il fait dans l'immobilier. Il a acheté des terrains ou des biens immobiliers pour les revendre. C'est son commerce. Il achète des biens immobiliers. Lorsqu'ils prennent de la valeur, il les revend. Et donc, lorsqu'ils ont pris de la valeur, il revend avant la fin de l'année. Exemple, il a acheté un bien immobilier à 50 000 euros. pour qu'on comprenne bien, il a acheté un bien immobilier à 50 000 euros. Il achète un bien immobilier à 50 000 euros et avant la fin de l'année, par exemple 8 mois après, la valeur de son bien double. Ça double tout d'un coup et donc il revend à 100 000 euros. Il revend à 100 000 euros 8 mois après. Il revend à 100 000 euros 8 mois après. Donc, il a acheté à 50 000 euros, il revend à 100 000 euros 8 mois après. Ça veut dire qu'il a un bénéfice de 50 000 euros. Et lorsque donc l'année s'est écoulée, donc il a atteint les 12 mois. Donc, 4 mois plus tard, il sort la zakat sur les 100 000 euros entiers. Pas besoin que les 50 000 euros qu'il a de bénéfice atteignent El Haoul. Pas besoin que les 50 000 de bénéfices qu'il a fait atteignent El Haoul. Donc, directement, lorsque les 50 000 de son capital d'achat, lorsque les 50 000 avec lesquels il a acheté, à la date à laquelle il a acheté pour 50 000, lorsque ça atteint un an, il sort la zakat sur les 100 000. Donc, il intègre le bénéfice qu'il a dedans et il sort la zakat sur le tout parce que la règle est que le bénéfice a le même jugement que le capital. Donc le bénéfice a le même jugement que le capital dans la zakat. Donc si tu es un commerçant et que tu as donc acheté une marchandise, hein, et que ton capital est, comme on a vu là, de 50 000 euros, et qu'après tu as fait un bénéfice, tu as doublé ton bénéfice, donc tu as eu un bénéfice de 50 000 euros, donc tu vas sortir la zakat sur les 100 000 euros. Tu vas sortir la zakat sur les 100 000 euros lorsque donc ça atteint El Haoul. Et le bénéfice, donc, il n'y a pas besoin que le bénéfice fasse un an. Tu intègres le bénéfice directement. Le bénéfice suit le même jugement que le capital. Donc, les 50 000 euros qu'il avait à la base, comme capital, avec lequel il a acheté sa marchandise, lorsque ça atteint El Haoul, il rajoute le bénéfice dans ça et il sort la zakat sur le tout. Donc, c'est une règle à retenir. Le bénéfice ou le fruit du nessab, quel que soit le bien, si le bien a été fructifié, ce qui vient comme surplus suit le même jugement que le bien d'origine. Le bien d'origine, la quantité d'origine, ça suit le même jugement. Et donc, tu sors la zakat sur cela en même temps que tu sors la zakat. Tu mélanges le tout et tu sors la zakat sur cela en même temps que tu sors la zakat que tu as prévu de sortir la zakat pour le capital. Donc le bénéfice suit le même jugement que le capital. Le bien d'origine suit le même jugement que le bien qui est venu en surplus lors, après fructification. Maintenant, non, on va d'abord voir la cinquième et dernière condition. La cinquième et dernière condition. Là, on était donc à la quatrième condition qui est Moudi El Haoul ou Houloul El Haoul. Maintenant, la cinquième et dernière condition. La cinquième et dernière condition, donc, c'est Tamamul Mulk. Tamamul Mulk, ce qui veut dire, donc, ce qui signifie avoir la propriété entière et complète du bien. qu'il n'y ait pas dans ce bien un droit revenant à quelqu'un d'autre, de sorte que le propriétaire peut en disposer comme il veut et quand il veut, sans rendre compte à qui que ce soit. Donc, on exclut donc de cela l'argent ou les biens qui ont une propriété collective. L'argent et les biens donc qui ont une propriété collective ou partagée, comme par exemple l'argent d'une fondation ou l'argent d'une association ou encore un argent que tu as été chargé de collecter, mais qui appartient à l'État ou qui est destiné pour un projet d'une communauté ou d'un groupe de personnes. Tu peux avoir cet argent en ta possession, mais tu n'as pas la propriété entière et complète de cet argent. Tu ne peux donc pas en faire ce que tu veux. Ou bien, par exemple, ça peut être du bétail, par exemple, appartenant à deux personnes ou plusieurs personnes. Ils sont associés dans cela. Donc ça a un jugement à part. Donc les biens qui appartiennent à des associés, ça a des jugements à part qu'on verra inchallah. Donc les biens qui sont d'une propriété partagée ont leurs règles. Qu'on verra chacun selon la catégorie des biens, Inch'Allah. Mais donc, la condition donc pour que la personne puisse donc payer la zakat de manière. La condition donc, la cinquième condition est donc que la personne soit en possession. Soit propriétaire du bien de manière complète et entière. Donc, de la même façon, l'argent qu'on t'a prêté, de la même façon, l'argent qu'on t'a prêté ou bien qui est chez toi en gage ou en garantie, tu ne peux pas en faire ce que tu veux. Donc, c'est ça, ce genre de cas a ses règles. Donc, ça nécessite de voir ces règles-là en détail. Donc, c'est une des conditions pour la zakat, c'est que la personne soit propriétaire entièrement et de façon entière et complète du bien pour pouvoir donc sortir la zakat sur ce bien. Par exemple, aussi des actionnaires d'une société. Les actionnaires d'une société, par exemple, qui touchent des dividendes, ils touchent des dividendes. Il faut donc attendre que les dividendes soient partagés et que chacun entre en possession de ces dividendes, ou bien qu'il ait connaissance de ces dividendes, même s'il n'est pas entré en possession de ces dividendes-là, qu'il ait connaissance de ces dividendes. Et si ça atteint el hawl, il sort la zakat sur ça. Si ça atteint el hawl, il doit sortir la zakat sur sa part. Il doit sortir la zakat sur sa part, donc. Donc, c'est de sorte que chacun connaît donc son apport, chacun connaît son apport et il connaît son bénéfice. Et donc, comme on l'a vu précédemment, il connaît son apport, il connaît son bénéfice, donc il sort la zakat sur le tout. Si ça atteint un nisab, si ça atteint un nisab. Et donc, la preuve de cette cinquième condition, qui est la propriété entière et complète du bien, et la parole d'Allah Azzawajal, qu'on a déjà citée, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Le Très-Haut, donc, dans ce verset, a attribué la propriété. Il dit, prends de leurs biens. Il a donc attribué la propriété des biens à ceux à qui on prélève la zakat. Et cette propriété, donc, ne peut être complète et parfaite que vraiment si la personne est le seul propriétaire donc de ces biens-là et que ces biens-là ne sont pas et qu'il a il a, il, a, il, a, il les a vraiment en fait comme on vient de le dire qu'il soit vraiment qu'il en soit le propriétaire de manière entière et complète, de façon à ce qu'il ne rende de compte à personne. De façon à ce qu'il ne rende de compte à personne. Donc, comme on l'a dit, exclu de cela, les biens qu'on a prêtés ou qu'on a laissés chez toi en gage ou en garantie, tu peux pas en faire ce que tu veux. Donc, tu peux pas sortir la zakat sur ces biens-là, sauf à remplir certaines conditions qu'on verra, Inch'Allah. Donc, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Tout ce qui est en ta possession de manière partielle ou temporaire, tout ce qui est en ta possession de manière complète, de manière partielle ou temporaire, donc, ça n'entre pas, c'est exclu donc de ce cadre-là. Et l'imam al-Wazir Yahya ibn Hubayra a donc rapporté l'unanimité des savants sur ces cinq conditions qu'on vient de citer dans son livre Al-Ifsah. Al-Ifsah an ma'ani al-sihah. Al-Ifsah an ma'ani al-sihah, qui est son commentaire de Sahihain, qui en 10 volumes dans lequel il s'est beaucoup attardé sur les questions de fiqh. Et donc, il rapporte donc dans ce livre l'unanimité des gens de science sur ces cinq conditions pour pouvoir payer la zakat, ces cinq conditions à remplir pour faire partie de ceux qui payent la zakat. Maintenant, pour terminer, une question, l'enfant en bas âge qui n'a pas encore atteint la puberté et le fou, quelqu'un qui n'a pas toute sa raison, quel est le jugement sur leur bien? Est-ce qu'il paye la zakat? La réponse est oui, et c'est l'avis de la majorité des savants, rahimahumullah. Et leur argument pour cet avis est que at-taklif, donc qui est donc le fait d'atteindre la puberté et avoir la raison, le moment où la personne donc est en état d'être jugée pour ses actes et où les anges notent ses bonnes et ses mauvaises actions, c'est ça qu'on appelle at-taklif. Donc ça, ce n'est pas une condition at-taklif, donc ce n'est pas une condition pour payer la zakat. Donc, pour la zakat, la puberté n'est pas une condition, de même que avoir toute sa raison. Ceci car la zakat est liée au bien possédé et pas à la personne qui les possède. La zakat est liée au bien possédé et pas à la personne qui les possède. Donc, la charge de sortir la zakat du petit orphelin, par exemple, qui aurait hérité de ses parents, cette charge revient à son tuteur. De même que le fou, on prélève la zakat sur ses biens, ou bien sa famille et les gens dont il est sous la charge, dont il est sous la responsabilité plutôt, les gens dont il est sous la responsabilité doivent se charger donc de sortir la zakat sur ses biens, dont ils ont la charge. Donc, l'enfant, et il y a même certains savants qui ont été jusqu'à dire que même le fœtus, il y a eu divergence sur cela, mais ça, c'est une question même qui a été traitée même au niveau du fœtus. Le fœtus qui est encore dans le ventre de sa mère, est-ce que s'il a hérité, est-ce que il paye, est-ce qu'il paye la zakat? Donc, ce qui est sûr, c'est que toute personne qui est en possession de biens atteignant un nisab, on ne regarde pas l'état de la personne. Donc, on prélève la zakat sur ses biens, quelle que soit la nature de la personne, homme, femme, enfant, c'est les biens qui sont prélevés. C'est les biens qui sont prélevés et on ne regarde pas l'état de la personne. Donc, les tuteurs qui ont des enfants en bas âge sur leur responsabilité, ils sortent la zakat sur leur argent. Et de même que quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent et puis il perd la raison, il devient fou. On va pas dire que parce qu'il est fou, il ne paye pas la zakat, non. Les gens qui ont la charge de cette personne-là ont l'obligation, l'obligation pèse sur eux de sortir la zakat sur ses biens. L'obligation pèse sur eux de sortir la zakat sur ses biens. Avec ceci, on en a donc terminé avec le chapitre concernant ceux qui payent la zakat. Le prochain cours, bi'idhnillah azawajal, sera consacré à ceux qui sont les bénéficiaires de la zakat. C'est ce qu'on va voir, bi'idhnillah, lors du prochain cours. On s'arrête ici. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.